Le feeling est passé entre nous, mais tu as déjà la bague au doigt. On me demande qu'est-ce qui se passe entre nous, je réponds rien, elle a déjà son gars. C'est vrai que la situation est ambiguë, t'as ton mec et je sais que je te laisse pas indifférente. Crois-moi, y'a pas que pour toi que c'est dur, mais il faut que tu fasses le choix entre deux mecs différents. Comme ça fait longtemps que vous êtes ensemble, t'as peur de le quitter alors tu sais qu'il est sincère. À quoi bon passer du temps ensemble? Il a fait quelques bêtises donc cette excuse tu t'en sers. Trop tard pour qu'on devienne amis, ça aurait été différent si j'avais déjà ma famille. J'aurais dû te laisser tranquille quand tu m'as dit que t'avais déjà quelqu'un dans ta vie. Fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. Là faut faire son choix, fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. Fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. Là faut faire son choix, fais ton choix, fais ton choix. Je ne croirais pas si tu me dis que tu l'aimes encore, car tu serais pas dans cette situation. J'ai envie de dire qu'on a tous les deux nos torts, mais le cœur ne fait pas de simulation. Je sais que t'es dans un dilemme compliqué, désolé mais je peux pas passer ma vie à attendre. Mon but c'était pas de tout niquer, si je pouvais j'aurais fait en sorte de te rencontrer avant. J'estime que t'es déjà dans l'infidélité, au point où on en est, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Il ne t'a peut-être pas mérité. Les actes ont plus de valeur que chuchoter des mots doux. Trop tard pour qu'on devienne amis, ça aurait été différent si j'avais déjà ma famille. J'aurais dû te laisser tranquille quand tu m'as dit que t'avais déjà quelqu'un dans ta vie. Fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. Là faut faire son choix, fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix.